Et de retour sur Astro Boom Radio, j'espère que ça va toujours. Clara. Allô. Voilà, là je te re-entends. Donc, tu vas être réalisatrice d'une future web série, bien dedans, on en a déjà dit. Et donc, voilà. Mais pourquoi tu te lances dans le cinéma ou quoi là? Bah parce que j'aime bien ce milieu-là, et ça fait longtemps que je veux faire ça, quoi. Okay. Et puis toi aussi. Ouais, si, oui. Et pourquoi Blandon pour le nom de cette web-série? Ben en fait, ça veut dire abattu, et c'est pour montrer l'état d'esprit des personnages, parce que ils ont une vie normale, puis tout d'un coup, ils sont confrontés à des trucs qu'ils comprennent pas, et ça les détruit peu à peu, quoi. D'accord. Ok, donc c'est une web série. Il y a que des ados qui jouent dedans ou il y aura aussi des adultes? Mais il y aura des adultes quand même parce que sinon ça fait pas du tout vrai quoi. Hein. Ouais. Donc, voilà, mais les personnages principaux c'est des. Les acteurs adultes, tu vas les pêcher où? Tes parents ou quoi? Je pense que je vais prendre des parents et tout. Bon, j'ai essayé de prendre des gens qui jouent plutôt bien parce que je veux pas faire quelque chose de minable. Voilà. Voilà. Bon, mais ça va être super, Blandon là. Voilà, donc je peux résumer un peu ce que c'est? Vas-y, hein. Pour ceux qui ne savent pas, donc Blandon, c'est l'histoire de 5 adolescents qui ont au début une vie plutôt normale comme tous les adolescents, donc et puis finalement ils se rendent compte qu'ils ont une espèce de, on va dire, de malformation dans leur tête, et donc ils ont la possibilité de rentrer en contact avec d'autres dimensions. Donc voilà, il va se passer plein de trucs... Plein de trucs dramatiques, en fait. D'accord. Et voilà, donc ils vont devoir faire face à tout ça. Et ils savent pas trop comment s'en sortir. Voilà. Ok, d'accord. Je pense que ça va être bien. Il y a un peu de marrant dedans ou pas? Oui, bien sûr, parce que bon, je vais pas faire un... Ouais. Je vais pas faire un truc où tout le monde chiale. J'adore le comique, moi. C'est pour ça. Ouais, donc, bien sûr. Non, ça va être intéressant. Vous pouvez retrouver le lien de son site, donc sur le www.astromoon.fr. Donc pour l'instant, j'ai pas encore remplacé le bouton partenaire. Donc sur le bouton sondage, donc là, vous cliquez sur le bouton sondage et vous atterrissez donc sur une nouvelle page du site. Et vous avez une petite bannière Blandon. Vous cliquez dessus et vous atterrissez sur le site, dans un nouvel onglet. Voilà. Voilà. Alors bon, si vous voulez participer ou nous aider, y a pas de souci. Donc vous nous envoyez un mail. Ouais. Merci à tous ceux qui sont là pour m'aider et tout ça. Ouais. Et il y a aussi une page fan aussi. Ouais, il y a une page fan. Donc il y en a 77, il me semble. Non, 52. Ah. Non. Okay. Donc la page fan c'est Blandon officiel sur Facebook. Donc voilà. Mais on mettra un lien de la page dans le truc partenaire aussi. Et donc je tenais aussi à remercier le groupe Plugs qui a accepté qu'on utilise leur musique pour le générique. Ah ouais? Voilà. C'est quoi, c'est un groupe français? Ouais, un groupe, ils sont à Lyon. Voilà. Si vous voulez écouter la musique, c'est dans la partie audio du site. D'accord. Ok, voilà. C'est super. Voilà. Ouais, merci. Voilà. Le tournage le 1er juillet. Début du tournage. D'accord, moi tu me préviens, hein, je te dis. Oui, oui. Mais tu vas tourner où? À Brignoles? Je vais tourner en fait dans le Var. Tours, Brignoles, voilà, tout ça. D'accord. Dans le Var. Ok. Eh ben voilà. Écoute, Clara, je te laisse et je te dis à bientôt.